Une femme de Pékin par Lord Wigmore. Oh, qui me délivrera des rêves de ma jeunesse? Qui me désenchantera une bonne fois? Qui me dira enfin sans réserve, ne crois à rien d'ici-bas, car tout y est prestige et mensonge? Ces suaves créations, ces riantes fictions où le cœur s'ouvre à des félicités délicieuses, erreur! Cette existence idéale où quelques âmes pures et crédules espèrent rencontrer le bonheur, erreur! Cette jeune fille de 18 ans qui écrit « Je t'aime », qui jure d'être fidèle, erreur! Cette femme d'élite qui vous laisse deviner le secret de son cœur et prend avec vous le lierre pour symbole, erreur! Cet homme d'émotion et de liberté qui va jugeant ce qui nous entoure en poète et en artiste, erreur! Et cet être composé de rêveries et de sentiments qui pense qu'après l'étude de Dieu et de la nature, la femme doit remplir la plus large place dans la vie, erreur encore, toujours erreur. Déception de tous les jours, qui use la vie en la minant par le cœur. Ne crois à rien, et tu vivras plus pour toi. Tu seras calme, parce que l'imagination ne se portera plus au-delà de l'atmosphère que tu respires. Tu seras heureux, parce que tu trouveras tes affections en toi, ton bien-être en toi. Tu jouiras de tout, parce que tu ne désireras rien. Où est-il, ce sage, ce philosophe, ce nouveau Confucé qui me dira « Sois indifférent à tout ce qui t'entoure, vis tranquille, sans les émotions trompeuses de l'espérance, sans les secousses violentes des passions. Ne cherche pas trop loin le peu de bien qu'il faut pour vivre isolé. Prends les jouissances qui s'offrent sous ta main. Laisse ta vie, mollement bercée, s'écouler uniformément et finir sans bruit, comme l'enfant rassasié de la mamelle nourricière s'endort au mouvement monotone du berceau. Et quitte sans regret la pompe des jours, la mélancolie des soirs, la brise des mers, la rosée des prairies, le frémissement du feuillage et les femmes et les fleurs. » C'est ainsi que le mandarin King, qui vivait sous le roi Fo Hi, se lamentait et broyait du noir en sortant de la grande pagode de Pékin, et de fait, son histoire était triste. Mais comme elle ressemblait à celle de beaucoup d'autres, je pense qu'il avait tort de s'en chagriner. Voyez plutôt. Il y avait autrefois à Pékin une femme belle et spirituelle, qui était alternativement pieuse et mondaine, froide et passionnée, dénigrante et enthousiaste, folle et raisonneuse, méchante et bonne. Elle recevait le bonze et le guerrier, le poète et le musicien. Elle allait régulièrement à la pagode et sortait la dernière du bal. Le tout, disait-elle aux uns, parce que l'ennui la gagnait et qu'il fallait bien tirer parti de cette pauvre vie. Puis, à ceux qui valaient une confidence, parce qu'elle n'avait pas encore trouvé quelque chose ou quelqu'un qui pût la captiver tout entière et qu'elle cherchait. Or, tout en cherchant, elle se faisait conduire quelquefois dans le jardin de l'empereur, sur la terrasse de la rivière Tahu, dont les eaux partagent la ville, et dans l'allée des grands orangers. Là, malgré la foule, on la distinguait aisément, d'abord parce que sa tête dépassait celle des autres femmes qui l'environnaient. C'était, comme Sarah, une espèce de longue et pâle tubéreuse dominant et régnant sur les fleurs d'un jardin. Et puis, on la remarquait encore parce qu'elle marchait lentement. Elle avait de si petits pieds qu'ils paraissaient ne pouvoir servir qu'à une enfant. Aussi plus d'un mandarin revenait-il chez lui le cœur préoccupé. Lorsque son brillant palanquin, recouvert de riches étoffes roses comme le bout de ses doigts effilés, la conduisait au faubourg Bai Lo Ching et dans la rue Liu Li Chang pour voir les parures de son joaillier, il lui fallait passer devant le palais du Fils sacré du ciel, autrement dit l'empereur. Alors, tous ces fiers soldats en robe qui sont là, accroupis au pied de la grande muraille rouge du palais, se levaient spontanément, éblouis qu'ils étaient de tant d'éclat. Puis, délaissaient leur longue pipe, abandonnaient le bienfaisant parasol qui conservait leur teint cuivré, et se posaient fièrement, appuyés sur leurs fusils rouillés, pour voir passer cette ravissante féerie. Aussi, la coquette, heureuse intérieurement de l'effet qu'elle produisait, soulevait-elle, sans intention marquée, un petit coin de son grand voile, pour laisser apercevoir des yeux fendus comme une amande, un teint comme la fleur de l'églantier et des dents comme son collier de blanches perles. Le mandarin King parvint un jour à être admis chez elle, je veux dire chez Lilia, car j'allais oublier de vous dire son nom. Ce jour d'admission, jour heureux ou fatal, nous ne le choisissons pas, c'est la destinée qui le donne. Longtemps s'était écoulé. Il se dit enfin « Les jours fuient rapides. L'hiver va poser sa main glacée sur mon front. Et j'ignore encore si Lilia a un cœur et s'il peut battre pour moi. Pour moi, homme pensif et solitaire comme l'étoile du soir, passionné et brûlant comme l'astre qui verse des torrents de lumière. » Après ces réflexions et autres semblables, toujours dans le style du pays, notre mandarin se décida enfin à lui faire connaître son amour. Mais moi, voyageur inattentif, j'allais oublier, avant de vous raconter sa piteuse histoire, de vous dire qu'à Pékin, les mœurs diffèrent totalement des nôtres. Et si je vous en esquissais pas les traits les plus saillants, vous ne pourriez plus croire à ma traduction, tant ce qui me reste à dire est opposé à notre Paris, où tout est si parfaitement bien comme vous savez. Figurez-vous qu'une plaie profonde et incurable mine ce corps social. Le tableau de Pékin semble être à l'observateur comme un long drame sans dénouement, comme une énigme sans mots. Le fond de ce tableau vivant est dominé par un volcan qui menace d'engloutir acteurs et spectateurs. Et l'horizon se charge de nuages épais d'où la foudre semble toujours prête à éclater. En vérité, c'est un étrange pays. Car au milieu de l'absence de tout lien, de tout frein, de toute sécurité, on s'y égaie avec insouciance, comme si on était sûr d'avoir le lendemain pour réfléchir. Et le grand drame va toujours son train, et chacun y déploie ses petits moyens. Le talent de feindre surtout y est porté loin. Joie, douleur, amitié, dévouement, amour, la beauté qui vous séduit, les parfums qui vous enivrent, jusqu'à l'air que vous respirez, tout y est factice. Il semble aussi que chacun se soit donné un rôle dont la pensée secrète est égoïsme et cupidité. Aussi, l'ignorance, le vice, le crime même s'y montrent altiers et tranquilles dès l'instant que la richesse les couvre. Palanquins brillants, meubles élégants, vases japonais, repas somptueux, fêtes à ravir, où l'amphitryon parle ordre, morale, honneur, vertu, tout cela suffit pour ennoblir cette fortune sortie de la boue. Un cercle d'habitués qu'on héberge à la mission d'attaquer tout le monde, de ternir les réputations, afin que l'honnête amphitryon passe inaperçu dans la foule des calomniers. Tout finit enfin par être pardonné, oublié, car tout se cache sous l'or. Je vous l'ai dit, c'est un étrange pays. On y voit des renommées d'un jour et des célébrités qui s'arrêtent à l'issue d'un salon. Prodigalité d'esprit sur rien, légèreté et médisance sur tout. Charlatanisme de mots, démoralisation de faits, intrigants politiques poussant la vague pour arriver et succombant au port à la satisfaction de quelques gens sensés qui vivent à l'écart. C'est un curieux mélange d'affections trahies en se formant, de petites extases pour une plume ou un chiffon, d'émotions éphémères, de femmes légères et d'hommes blasés. Enfin, c'est un pandémonium d'avocats bavards, d'intrigants ambitieux, de fous dangereux, qui rêvent la plus étrange chose, l'absence du mien et du tien. C'est un gouffre où vont s'engloutir pêle-mêle religion, famille, propriété, roi, avenir. Mais ce tableau de Pékin est trop sérieux. Vous préférez sans doute que je me borne à vous montrer ici sans voile une de ces créatures qui dans tous les pays sont comme un doux repos pour les yeux, un doux rêve pour la pensée, un doux baume pour le cœur. Eh bien soit, va pour les femmes de Pékin, mais vous verrez bien qu'elles diffèrent aussi prodigieusement des nôtres. Chez elles, tout est piège, séduction, tromperie. Elles cachent, sous une figure candide et pure, une âme stérile et fausse. Ce sont des sirènes sans cœur, des corps sans passion, mais habiles à les contrefaire, belles comme le marbre du statuaire, glacées d'eux-mêmes lorsqu'on les touche. Ces êtres inachevés, se lève généralement lorsque le soleil darde depuis longtemps d'aplomb sur la coupole du temple de Pho et prépare leurs mines et leurs gestes au miroir pour les répéter le soir à la lueur des bougies. Ces femmes, sans naturel ni sensibilité, ont cependant une cour assidue, car elles ont des sourires et des regards qui font rêver, des demi-mots qui font espérer. Et quand elles ont rencontré un de ces hommes, dont l'espèce diminue tous les jours, qui s'offre à elles avec un amour pur, dont la place est plus près du ciel que de la terre, elles s'en emparent, et par des aveux qui paraissent être échappés à l'indiscrétion de leur cœur, elles l'amènent à livrer son secret, son avenir. Alors, fière et dédaigneuse, elle redresse la tête et s'apprête à l'immoler par une plaisanterie qui pourra le rendre la risée de leur cour. Ou bien, si le jeu les amuse quelque temps, elle se plaise à traîner cet amour à leur suite, jusqu'à ce que, se retournant brusquement, elle le laisse au milieu du chemin, le foule aux pieds en passant, sans craindre une vengeance, car elle se dise « Je le connais, il sera malheureux, voilà tout. » Puis, passant outre, elle demande leurs perles ou leurs diamants, et conserve de ce drame brisé un souvenir dans la mémoire comme une ritournelle de chanson, et dans leur cœur comme une légère ride sur une mer glacée. Les femmes de ce genre n'aiment point les hommes pour la tendresse et le dévouement qu'elles en attendent, mais pour les hommages et le lustre qu'elles en reçoivent. Aussi ont-elles classé l'amour d'une étrange manière. Elles en ont fait trois grandes divisions. Premièrement, distraction ou moyen de ne penser à rien. Deuxièmement, caprice ou volonté de penser à quelque chose. Troisièmement, occupation, sentiment sérieux qui dure quelques semaines. Aussi ces femmes traitent-elles une passion avec commodité, avec tranquillité d'âme, comme on s'arrange d'une chose qui peut offrir quelque agrément, sans nuire aux autres petits plaisirs de ce monde. Il y a les heures pour la toilette, le mari et l'amant, pour la couturière, les enfants et les visites, puis aussi les instants pour se montrer en public, aller voir les jongleurs, assister aux fêtes du cirque. Enfin, là, tout est si bien prévu que les dames ont les heures marquées pour aller chercher des impressions qui s'échappent dans l'éclat d'un rire distrait ou recevoir des émotions qui, chez elles, arrivent jusqu'à l'épiderme de leur peau. Vous avez voulu que je fisse connaître les dames de Pékin, eh bien les voilà. Vous voyez bien qu'elles sont à milieu des nôtres. Et comme il faut pourtant que je vous finisse l'histoire du pauvre mandarin, vous aurez soin, dans ce qui va suivre, de continuer à vous croire transporté aux antipodes, ou bien lisant une des pages de la rêveuse Scheherazade. Vous ne vous attacherez qu'au but moral de ce léger épisode, car vous le savez, la lettre tue et l'esprit vivifie. Or, le mandarin marchait dans l'ombre de l'Ilia, ce qui chez nous veut dire qu'il s'était attaché à ses pas. Doué d'une organisation sensible et d'un cœur chevaleresque, la gloire, l'amour, les sentiments généreux étaient les seules passions qui dominaient son âme. Il méprisait toutes les autres. Comme mandarin, sa position le forçait à pratiquer les usages des classes élevées, d'avoir les dehors de l'homme du monde et du courtisan. Comme lettré, il vivait pour les doux rêves de l'imagination, les émotions de la pensée, les sensations de l'âme. Aussi, à la vue du brillant météore qui l'avait ébloui, il avait pensé qu'un jour il pourrait atteindre jusqu'à lui et fixer sa prestigieuse apparition. Le mandarin King, donc, après avoir consulté les 34 génies, parla, et il fut écouté avec indulgence. Il écrivit, et il fut lu avec plaisir. Il demanda une main qu'il n'avait encore osé serrer. Elle lui fut donnée avec abandon. Tout allait au mieux pour le mandarin King, du moins il le croyait. Déjà les yeux de Lilia s'attachaient sur ses yeux. Son air était pensif et tendre, sa bouche ne s'ouvrait plus pour lui qu'avec cet accent doux et mélodieux qui fait un si prompt trajet de l'oreille jusqu'au cœur. Enfin, la douce espérance exhalait pour lui son enivrant parfum. Cependant King remarqua que Lilia recevait d'autres hommages que les siens, et qu'elle se plaignait à lui avec affectation des larmes que sa tendresse pour le mandarin lui faisait verser. Il ne comprit plus, mais il lui écrivit « Lilia, pour la femme qui aime, les hommages de l'univers sont froids et décolorés. Pour la femme qui aime, L'abnégation est la vertu qui remplace et qui honore encore toutes les autres. Votre amour-propre ne se contenterait-il plus de ma servitude? Ou votre cœur ne trouverait-il plus rien pour la récompenser? Il attendit la réponse. Connaissez-vous le bonheur de recevoir une lettre de la femme qui vous aime, lorsque, triste et malheureuse, elle se plaint à vous des souffrances que vous lui causez? Avez-vous lu alors de ces mots qui vibrent si harmonieusement dans votre âme, mots qui rencontrent un écho dans toutes vos sensations? Avez-vous dévoré de ces lignes qui semblent un reflet brillant de la poésie de votre pensée, de ces lignes échappées à l'amour timide, à la retenue du monde, qui répondent au cœur et le consolent par des larmes? Eh bien, le mandarin rêvait ce bonheur et l'attendait avec anxiété. Mais les femmes de Pékin entendent autrement ces sortes de confidences. Comme elles veulent rester maîtresses de leurs secrets, elles répondent adroitement sans trop se compromettre, et on pourrait presque montrer leurs lettres sans qu'on pût en inférer autre chose qu'une distinction tendre et amicale. Lilia répondit ainsi. Vous vous créez des fantômes pour avoir le plaisir de les combattre. Comment pouvez-vous croire que j'hésite un instant entre tous ceux qui m'entourent et m'obsèdent? En amitié comme en amour, il n'y a qu'un être pour le cœur de la femme. Comment voulez-vous aussi que j'oublie que j'étais distingué, aimé par vous, qui possédez si bien tout ce que l'imagination et l'âme cherchent en affection? Le lendemain, lorsqu'ils se virent, elle fut plus séduisante que jamais. Ses yeux abattus et mourants étaient pleins de sentiments. Ses lèvres se coloraient par instants et s'entr'ouvraient après avec volupté. Il y avait dans sa voix une combinaison si harmonieuse, si persuasive, qu'il l'écoutait encore après, même qu'elle avait cessé de parler. Le mandarin était homme de sève et de vie, mais trop facile à persuader. Il n'y put tenir. « Ah ! Lui dit-il, si un être aimant a le cœur déchiré par le doute ou le soupçon, qu'il écoute tes douces paroles, ou lise les lignes échappées à ton âme, et qu'il dise si ses souffrances ne sont point calmées, s'il ne s'en retourne pas bercé d'une vague et douce mélancolie, comme le voyageur qui, au déclin du jour, retrouve les lieux où ses rêves de bonheur commencèrent, où son premier amour le saisit. Oui, ton âme répond à mon âme. Quand l'un de nous souffrira, l'autre sera là pour calmer ou partager ses douleurs. Lorsque le chagrin assaillira ton cœur, je viendrai doucement te dire des mots d'amour et tu souriras. Quand tes larmes terniront le cristal de tes yeux, je t'entourerai de mes bras, je te presserai contre moi, je baiserai tes larmes et tu seras consolé. » Et le mandarin était heureux de se replacer sous le joug dont il avait voulu un instant s'affranchir, et il reprenait le manteau et les fers de l'esclavage, comme un autre aurait conquis la tunique et le bonnet de la liberté. Les Parisiens qui s'y connaissent vont me dire que l'accoutrement différait beaucoup. Moi, je répondrai qu'en amour, tout est bien. Et pour preuve, je citerai Lauzun, qui porta la livrée de Postillon pour avoir l'insigne honneur de conduire au trot Madame de Valentinois dont il était épris. Ainsi qu'on respecte ma traduction, car c'est d'ailleurs le mot à mot. Le temps, toujours inflexible, marchait. Le pauvre King vivait comme la plante qu'une main capricieuse priverait par intervalle de la bienfaisante rosée qui la vivifie. Cependant, une marque de candeur et d'abandon avait signalé la minute rapide d'un périlleux tête-à-tête, et le mandarin, dans sa reconnaissance, lui avait dit « Lilia, à quoi dois-je attribuer tant de bien ?» Au sentiment qui m'ôte la force de pouvoir toujours feindre avec vous, avait répondu Lilia, et deux éclairs échappés de ses yeux avaient confirmé ce que deux lèvres tremblantes avaient dit à demi-voix. Mais le bonheur a la fragilité du verre. King, malheureusement, observa et crut apercevoir quelques déceptions qui, toutes patentes qu'elles sont, ne semblent aux captifs que des hallucinations pénibles et mensongères. Cependant, il devint soupçonneux, le mandarin. Une pensée tenace, poignante, l'obséda et ne lui laissa nul repos. « Les voilà » s'écria-t-il, « ces femmes décevantes de Pékin, les voilà, ces brillantes péries, les voilà, ces météores trompeurs qui nous éblouissent. L'amour avec elles est comme un rêve pesant, commencé par une nuit d'orage et terminer par un coup de foudre qui tue. Il voulut enfin connaître la valeur réelle de l'attachement d'une coquette. Il envisageait bien avec une sorte d'effroi le jour où la douce terre des illusions allait manquer sous ses pas et lui laisser quelque triste réalité. Mais il fallait sortir d'un piège où il allait engloutir son repos et sa vie. Il lui écrivit donc. « Lilia, jusqu'à ce jour, vous avez réglé avec une mesure égale l'espèce d'intermittence de fièvre dans laquelle se partagent mes nuits et mes jours. Mais le doute en amour, c'est respirer sans vie, c'est s'éteindre sans mourir. Vous pouvez faire cesser cette anxiété. Un moment seul avec vous peut expliquer bien les choses et fixer notre avenir. Je vous en supplie. Puisque je ne puis vous trouver seul chez vous, rendez-vous ce soir à l'heure de la prière, sous les colonnes du grand temple de Faux. C'est à deux genoux que je vous demande cette grâce. Il y va de mon repos, car lorsque chaque instant, chaque minute voit naître un soupçon qu'il faut dissimuler, une douleur qu'il faut étouffer, la vie n'est plus qu'un tourment insupportable. » Ici, des pages manquent au manuscrit de Meng Tse, et j'en suis désolé car c'est bien le plus bel autographe chinois que j'ai vu. Mais le dernier feuillet contient cette réponse de Lilia au mandarin lettré King dans la ville impériale de Pékin. Un mandarin, un lettré surtout, devrait connaître l'état des mœurs de son temps et les habitudes de la vie sociale de Pékin. Je vous croyais plus habile. Apprenez donc, puisqu'au milieu du foyer des Lumières vous êtes resté avec cette fleur native d'innocence qu'on avait à peine au temps primitif, que l'amour chez une femme du monde est une agréable distraction qui ne tire pas à conséquence. C'est une brillante bulle de savon qui flotte suivant notre volition dans une atmosphère de boudoir parfumé ou dans un ciel pur qui lui renvoie ses reflets. Si vous voulez croire à la force et la durée de ce globe lumineux, libre à vous. Mais si vous voulez mettre à l'épreuve sa consistance, il s'évanouit. Sachez aussi que j'ai retranché de ma vie tout ce qui serait plus pesant qu'un caprice. Il était temps de vous arrêter. Vous alliez faire de nous deux personnages fades et ennuyeux. Du plaisir, de la variété, mais pas de lien. Que cette leçon vous profite. Ne creusez pas la vie. Vous ne savez pas ce que vous y trouveriez. Allez, effleurez tout et ne vous attachez à rien. Lilia. Ce dernier feuillet m'a semblé suffire pour fixer l'opinion sur la généralité des femmes de Pékin et je pense que vous vous en contenterez. Quant au chagrin du mandarin, vous ferez comme moi, vous en rirez. Enfin, si vous voulez absolument trouver à cet apologue une moralité, la lettre de Lilia est là. Cherchez. Ainsi s'achève Une femme de Pékin de Lord Wigmore.